Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors aujourd'hui, ben on est pas mal nombreux derrière le micro. Il y a avec moi Nico. Et yo tout le monde. Et il y a également Dorothy. Super, salut à tous. Tu t'es pas trompé, Geoffrey ? Non mais ouais, il fait des efforts, hein. Il s'habitue petit à petit. C'est ça. Ah, je vais faire la blague à chaque épisode, au moins ça sera un peu le running gag de l'année, quoi. Il en faut. C'est ça. Donc aujourd'hui, eh ben c'est pas moi qui ai choisi le thème de l'émission, donc je vais laisser Baptiste présenter le thème de l'émission. Aujourd'hui, le thème de l'émission sera comment choisir ou comment bien choisir un manga par rapport à ce qu'on aime ou ce qu'on aimerait découvrir. Je me suis rendu compte que, personnellement, moi, ça, j'ai du mal des fois à trouver de nouvelles choses, donc je demande souvent conseils, et on n'a pas toujours des personnes avec qui autour de nous pour nous donner des bons conseils. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous donner des bons conseils, tous les trois, pour que vous puissiez trouver facilement des mangas qui vous conviennent. Alors, grosso modo, on va beaucoup parler de nos collections et de comment on l'a choisi, c'est ça ? Ouais, voilà. Comment vous l'avez choisi, pourquoi vous, comment vous orientez, comment vous choisissez vos tomes, si vous avez un doute sur un manga, est-ce que vous demandez, est-ce que vous regardez sur Internet, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément des gens dans votre entourage qui peuvent vous conseiller sur le style de manga que vous lisez, ou si vous voulez découvrir des nouveaux styles. Ok, ça me paraît clair. À toi aussi, Nico ? Ouais, ça me va parce que ouais, j'ai différentes expériences par rapport à des mangas que j'ai pris, donc c'est vrai qu'on peut expliquer un peu tout, toutes les façons, ouais. Alors, on va peut-être commencer par toi, du coup, Nico, parce que, bon, comme vous le savez tous, Nico et moi, on s'est mis au manga que dernièrement. Enfin, dernièrement, ça fait un an et demi, voire deux ans pour moi. Mais on s'y est remis dernièrement. Donc, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus néophyte que Baptiste sur ce sujet, même si Baptiste vient à peine de rentrer au lycée. Donc, collège. Je passe le brevet à la fin de l'année, c'est important, je suis un petit peu stressé, mais j'ai quelques backgrounds en manga, quoi. Bon, bah, écoute, on va profiter de ton expérience et voilà, donc ça sera enrichissant pour nous. Donc, Nico, on a déjà expliqué pourquoi on a quitté le comics, donc on va éviter de parler de ça, mais quand tu t'es remis au manga, vers quoi tu t'es dirigé et pourquoi, et du coup, est-ce que quelqu'un t'a conseillé ou est-ce que quelqu'un t'a mal conseillé ? Explique-nous tes choix. Alors tout simplement, un des premiers trucs quand je me suis remis au manga, ce qui m'a fait changer déjà par rapport aux comics, c'est les animés, et à l'époque c'était notamment Demon Slayer, donc c'est ce qui m'avait relancé dans le manga, bon ça plus un voyage au Japon, donc c'est vrai que quand j'ai recommencé, je m'étais beaucoup pris par rapport aux animés, alors que c'est complètement con parce qu'au final c'est là où j'ai le plus de retard, mais c'était Demon Slayer, j'avais pris les premiers Dr. Stone, j'avais pris... les Goblin Slayer aussi, j'avais, c'est Promised Neverland. Donc je m'étais beaucoup copié au départ sur les gros animés que j'aimais beaucoup, qui commençaient à l'époque, hein. C'était donc il y a un an où on avait ces animés, donc Demon Slayer qui commençaient à cartonner. Après, j'ai la chance d'avoir un psychopathe de libraire qui connaît, qui semble de plus en plus connaître bien mes goûts par cœur, et qui connaît presque ma collection par cœur au point de savoir si j'ai pris un truc ou non et si je vais aimer une chose. Donc c'est vrai que des fois, quand je prends quelque chose pour essayer d'innover, il m'a souvent conseillé en me disant « ça, peut-être tu vas pas aimer, ça tu peux aimer ». Mais en dehors des animés, une partie de ma collection, je l'ai faite aussi parce que il m'avait fait lire, par exemple, pour donner une idée, « King of Eden ». J'avais lu quelques seinen, donc je commençais à accrocher, et il m'arrivait le truc tout con que peut faire tout néophyte. C'est tapé, mais c'est vraiment débile, je vous le jure, top seinen manga. Et du coup, en fait, je trouvais tout un tas de seinen qui étaient super bien et effectivement qui sont souvent très réputés, que j'entendais souvent parler, comme par exemple Monster d'Urasawa ou 20th Century Boys, les fameux hauts grands mangas que, si Adri était là, aurait pu en parler, qui étaient donc les Berserk de Kentaro Miura. Et donc, avec le premier confinement, ben, j'ai pris en occasion... Parce que souvent, quand c'est des vieux mangas ou autres, en occasion, en plus, on y gagne vite fait, parce que ça coûtait moins cher. Et je m'étais pris Ikigami et Monster, qui étaient donc justement deux mangas assez réputés dans ce top. Et j'ai kiffé. Et donc après, à partir de ça, à partir de Monster, moi, je suis parti en vrille direct sur Urasawa, où j'ai commencé à faire pas mal de sa collection. en prenant les Azadora, les Yawara qui sont actuellement publiés, les nouveaux formats, les 20th Century Boys, que j'ai eu aussi, donc j'ai pris Pluto et j'ai pris Billy Bat, donc j'avoue, j'ai foncé sur cet auteur. Actuellement, je suis en train de foncer aussi sur un autre auteur qui est auteur ultra connu, Osamu Tezuka, pour avoir fait Astro Boy. Mais par exemple, pour expliquer pourquoi je m'intéresse plus à Tezuka là en ce moment, c'est que j'avais vu que j'adore Urasawa, j'avais vu une émission de Click TV où il parlait d'Urasawa et il disait que Urasawa était un grand fan de Tezuka et que l'œuvre Phoenix de Tezuka qui doit sortir dans l'année avait beaucoup bouleversé Urasawa. Donc c'est vrai que je me suis souvent laissé influencer d'un côté parce que les gens disaient, par exemple Berserk, tout simplement, bon, Adri, on le connaît tous, Adri, chante les mots. Donc c'est comme ça, entre ça et mon libraire qui en parlait, où je me suis lancé dessus. Et donc après, bon, j'avoue que j'ai tout pris d'un coup. Et après, d'autres, c'est plus le choix du... soit on entend parler, comme par exemple I Am a Hero, soit un peu au hasard aussi. Par exemple, moi, quand je regarde les Blue Giants, j'en entendais un peu parler. Nine, quand je l'ai pris, j'en entendais pas du tout parler. Les Beastars, c'était un peu réputé au Japon, mais après, ici, on n'entendait pas plus parler que ça. Je me suis souvent laissé tenter aussi de base. Et après, donc, à force, moi, de prendre certains trucs, mon libraire, on conseille beaucoup. Et même moi, maintenant, je commence à y aller un peu au feeling sur pas mal de choses. Hein. Là, je vois entre moi et après, donc, Laura, on prend des fois des trucs à deux, mais je me tente, moi, je vois cette année, je me tente sur énormément de séries où j'y vais un peu au feeling, mais des trucs qui ont l'air pas mal. Soit des fois, je lis aussi un peu les premiers chapitres en scan pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que l'avis, souvent, moi, sur Twitter, ou des fois le truc tout con, les animés à regarder, qui m'ont donné envie donc de lire certains mangas. Et après, aussi, parce que j'y pense là, en regardant les Gutanabe, il y a des œuvres en manga qui sont à la base pas des œuvres de manga. Je pense par exemple à Gutanabe qui fait les œuvres de Lovecraft, ou ce mois-ci, ce qui doit sortir, c'est La Guerre des Mondes, qui en manga, qui est donc à la base, je crois que c'est un récit... C'est une émission de radio, ouais, à la base, c'est ça. Mais donc, il y a aussi ce genre de truc où je me laisse tenter des fois pour découvrir. Et, mais après, voilà, c'est vraiment... moi, je sais, par exemple, j'aime beaucoup l'horreur. Tout le monde me parle de Junji Ito. Je sais que Junji Ito, là, quand ils vont tout sortir, je vais sauter dessus parce que c'est le maître de l'horreur et tout ça. Donc, ça dépend un peu. J'ai eu diverses influences. Quand c'est plutôt shonen, les shonen, on les retrouve énormément en animé, donc c'est les animés surtout qui prennent le pas le plus. Tout ce qui est par contre seinen, c'est des fois dans les avis, alors soit c'est en regardant ce qui sort, je dis vas-y, je prends ça. J'y fais un peu aussi des fois à la jaquette, au feeling, je regarde les trucs et je dis tiens, ça peut être sympa ça de ce côté et tout. Mais après, sinon, c'est vraiment par rapport à Twitter, tous les gens, tous les avis que je vois, par exemple, Bonui Penpen que j'ai pris, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que tout le monde kiffe ça et tout le monde kiffe Inyo Asano, donc. Donc voilà à peu près le parcours que j'ai. Ok. Bah écoute, c'est pas mal complet. Écoute, éventuellement, avant de passer la main à notre petit genou, je vais essayer d'en parler également de mon côté. Je suis un vieux lecteur de manga, même si j'ai complètement arrêté pendant des années. Et quand je me suis remis, en fait, c'est tout bête. J'étais sur le bon coin. Et je suis tombé par hasard sur la collection complète des Yu-Gi-Oh! pour 20 balles. Et c'est comme ça que en fait, je me suis remis sur les mangas. Parce que bon, à l'époque, à notre époque avec Nico, il n'y avait que la série principale Yu-Gi-Oh! Il n'y avait pas encore GX et toutes ces merdes qui ont suivi derrière. Et en fait, je me suis dit, allez, je vais me laisser retenter par le manga parce que j'avais commencé à lire quand j'étais plus jeune, mais je n'avais jamais vu la fin de l'animé. Et puis après, suivant les conseils de notre ami Adrien qui m'a dit Berserk, je me suis mis au Berserk. Alors, contrairement à Nico, j'adore Berserk, mais j'ai pas tout acheté d'un coup. Là, je suis au tome 24. Je les prends au fur et à mesure. De toute manière, Berserk en aura jamais la fin. Donc, vaut mieux pas que je me presse. Hein. Donc, vaut mieux que je prenne tout mon temps. Et puis après, c'était suivant les animés que je voyais également, et beaucoup au niveau des conseils. Forcément, j'avais vu comme animé Food Wars, et vu que Netflix Netflix galérer, ben, j'ai tout acheté Food Wars pour pouvoir les lire. Et je ne regrette pas, le manga est encore meilleur que l'animé. Et puis, il y a quelques recettes de nourriture entre chaque chapitre. Donc ça, c'est un véritable plus. Et ben, après, au fur et à mesure, ben, je prenais des choses. Je me suis, au fur et à mesure, donné quelques objectifs. Donc, pour récupérer quelques découvertes que j'avais suivant quelques pépites que j'avais pu voir sur ADN, Crunchyroll et j'en passe. Donc La Cité des Esclaves que j'ai récupéré dernièrement qui est pas mal, tout ce qui est Love X Dilemma parce que j'avais vu l'animé sur ADN, j'ai craqué, j'ai tout voulu prendre. Love and Lies pareil, j'ai fait la même chose, et au fur et à mesure j'ai acheté, puis j'ai trouvé un manga, je sais plus où je l'ai trouvé, mais je crois que c'était une bourse au livre. Mobile Suit Gundam École du Ciel. Donc vu que j'aimais bien Gundam, ben je me suis laissé tenter, j'ai pris My Hero Academia parce que j'avais vu le bordel, et puis après de rares fois, j'ai bien dit des rares fois parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas à faire avec notre libraire, j'allais le voir et je lui disais écoute, j'ai 40 euros de budget, tu peux en faire ce que tu veux, dis-moi ce qu'il faut acheter. Là, il m'avait conseillé quelques pépites comme Natsuko no Sake, qui est sorti chez Vega. Je crois que c'est lui qui m'avait conseillé d'autres choses. Et puis, alors, contrairement à Nico, moi, je ne me laisse pas influencer par les top 100, mais par contre, je regarde beaucoup je suis énormément sur Instagram. Et en fait, sur Instagram, il y a pas mal d'Instagrammeurs spécialisé manga qui parle de beaucoup de séries, et c'est comme ça après que j'ai pu me laisser influencer. Après, il y a Isneo qui me propose des tomes de manga gratuits, donc dans ces cas-là, je les prends, je commence à les lire, si je les aime bien, et bien je continue généralement en numérique. Et puis après, il y a tout ce qui est thème historique que j'aime beaucoup, grâce à la Reine d'Égypte, et c'est quelque chose que j'ai pris de plus en plus, donc avec Isabella Bird, ou Bright Stories, qui est une très bonne série. Et puis après, je me laisse gré à droite, à gauche, sur des choses un peu bizarres, comme Frisk Café, M Temps Prochain, On Prend au Silence, enfin voilà quoi. Et puis en dernier ressort, je me reprends également des classiques. Mais encore une fois, les classiques, c'est comme Berserk. C'est des séries qui sont terminées. Je n'ai pas besoin de craquer pour tout prendre tout de suite. Donc j'attends généralement soit mon anniversaire, soit pour Noël, ou soit pendant la période estivale, en fait, quand il n'y a pas trop de sorties, pour me dire je vais reprendre les Dragon Ball, je vais reprendre les City Hunter, les Cat Sails, et puis je prends au fur et à mesure. Et puis voilà, après il y a des applications comme Notion ou Manga Collect qui te proposent toujours des numéros 1. Donc là, tu lis le résumé du numéro 1, tu te dis ça a l'air super intéressant, et puis tu le mets sur ta liste d'achat, et puis voilà. Donc c'est comme ça que je traite mes achats. C'est pas mal. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de nouveautés. De temps en temps, je peux avoir que des numéros 1. Et voilà. Donc voilà. Et toi, donc notre petit CM2, comment tu choisis tes mangas ? Ben, en fait, pendant longtemps, parce que j'ai découvert les mangas très tôt avec mon frère. J'ai commencé à lire des mangas, je pense, je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Donc au début, je lisais les mangas de mon frère. Puis après, mon frère m'a acheté des mangas. Ma famille m'a acheté plein de mangas parce que, tu veux quoi à Noël ? Un manga ? Je parle bien la voix d'enfant. Mais si tu l'es toujours. Je l'ai toujours. J'ai mis un truc pour que je modifie un peu ma voix, pour faire un peu plus mature. Et donc j'ai continué comme ça avec des mangas, des fois je testais des trucs, des fois j'étais la jaquette vraiment, j'étais un peu jeune, prix du meilleur shonen 2004, je prends. Et oui, j'étais né en 2004. Et du coup, j'ai eu une petite pause un petit peu au lycée, et parce que j'avais d'autres priorités, on va dire. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je dirais facilement 3 ans, je me suis vraiment remis à fond dans les mangas, donc rattraper toutes les collections que j'avais commencé au collège, donc des collections plus ou moins longues, Naruto, One Piece, des petits trucs, quoi. Et après, ouais, j'ai commencé à chercher j'aime beaucoup travailler par... travailler, si on peut dire ça. Rechercher par auteur ou par dessinateur. C'est-à-dire que s'il y a un dessinateur que j'aime beaucoup, par exemple, Hiromu Arakawa, la mangaka qui a fait Fullmetal Alchemist, ben, je vais voir ce qu'elle a fait d'autre, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Pareil pour celui qui a fait 667 ans, Seishi Kishimoto. Quand j'aime bien le dessin, j'essaie de voir ce qui gravite autour, ce qu'il a fait autour, sur quel projet il a travaillé, savoir si ça pourrait m'intéresser. Ou alors, des fois, ben, je demande carrément des conseils à des potes. Ou quand je mate un bon animé, je me dis, tiens, putain, l'animé est cool. Est-ce que le manga est pareil? Est-ce qu'il est différent? Et souvent, ben, les animés me donnent beaucoup envie d'acheter les mangas pour voir ça, justement. Alors, j'ai une question. Est-ce que je suis le seul, quand je commence un animé et que je vois que ça commence à me plaire, d'arrêter l'animé du jour au lendemain pour acheter la version papier, et une fois que j'ai redécouvert et avancé sur la version papier, je me remate l'animé? Moi, souvent, je termine l'animé jusqu'au bout, savoir si ça m'a vraiment plu. Genre, par exemple, Jojo, tu vois, genre, j'ai maté jusqu'au bout. J'ai vraiment kiffé, du coup, je me suis acheté les tomes, je les ai lus, et une fois que je les ai lus, j'ai rematé certaines parties pour voir certains détails et tout, savoir si c'était pareil par rapport à ce que j'avais lu, parce que des fois, je n'en souvenais plus trop ou quoi, ou choper des petites références cachées. Mais moi, je fais ça souvent. Enfin, ça dépend des animés, quoi. Mais souvent, je le fais, ouais. Ah, par contre, tu vois, par exemple, l'Attaque des Titans, avant que je t'achète le premier tome en colossal, j'ai commencé à regarder, j'ai vu que ça me plaisait, vu que je savais que tu le vendais, j'ai arrêté de regarder l'animé pour en fait le découvrir en manga, quoi. En papier, ouais. Après, moi, je suis très très adepte du papier, donc si j'ai le choix entre lire ou regarder, je vais toujours choisir l'option lire. Tu vois, genre par exemple là, tu vois, pareil, au lycée, j'avais commencé quand la première saison d'Attack on Titan est sortie, je l'avais regardé, j'avais kiffé, je l'avais mis en stand-by, et là du coup, ben, il y a peut-être 2 ans, je me suis commencé à m'acheter les formats colossal, et du coup, vu que j'ai lu le manga, je vais pas regarder l'animé. Par contre, vu que j'ai pas eu la découverte, enfin vu que j'ai pas mis en pause l'animé pour pouvoir me l'acheter, quoi. Et toi, Nico, ça t'est déjà arrivé de commencer un animé et de l'arrêter parce que tu voulais le découvrir en format papier ou pas du tout? Alors, j'ai failli le faire. En fait, c'est sur Jujutsu Kaisen où, au début de l'animé, j'avais les 2-3 premiers tomes, donc je suivais assez bien le truc. Et sauf qu'il m'est rapidement arrivé que chaque mois, j'avais tellement de choses à acheter que j'ai jamais rattrapé. Et que l'animé petit à petit commençait à me rattraper, donc j'hésitais presque à stopper l'animé, mais au final je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que ça me fait pas trop cet effet. Souvent, je mate l'animé, c'est ce qui me donne des fois envie de les lire. Mais un truc, je peux, ouais. Après le problème c'est que je suis à jour sur tout. Mais c'est vrai que les animés là, par exemple, qui vont sortir, les 3/4. Je pense que non. Si je connais pas de base, je materai l'animé et après j'achèterai pour avoir la suite par rapport à l'animé, comme j'avais fait à la base par exemple pour Demon Slayer ou ce genre de choses. Soit sinon, si c'est un truc où je suis plus ou moins à jour, ça va pas m'empêcher soit de continuer la série, soit d'essayer de stopper vite fait par exemple le côté manga et de suivre tout le truc. Mais non, j'ai jamais trop stoppé, je crois. C'est dans tous les cas. C'est plutôt la série qui me tente à voir le truc que si le manga est nouveau. Alors, le problème, c'est que par exemple, ouais, tu me dis ça pour l'Attaque des Titans. Non, l'Attaque des Titans, j'aurais tout vu, j'aurais fini avant d'avoir la série. La série, j'ai les premiers tomes, mais j'ai pas encore attaqué. Mais c'est vrai que non, ça me fait. Il n'y a que pour Jujutsu, par exemple, où je commençais le manga en même temps que la série, où j'ai hésité à stopper. Mais sinon, non, je pense que je laisse tout passer sans souci. Quoi. Ah, il y a une fin d'année avec moi, quoi. Ouais, si, ça, je me pensais, moi, ça me l'a fait pour Vinland Saga. J'avais commencé à mater l'animé, j'aimais beaucoup. Et en fait, bah, j'ai eu l'occasion d'acheter un lot, on va dire, parce qu'il y avait une librairie qui fermait. Et du coup, j'avais acheté le stock, une partie du stock qu'ils avaient. Du coup, j'avais eu les 20 premiers tomes pour pas cher. Du coup, j'ai arrêté l'animé pour me les lire, quoi. Alors, ça, c'est triste, mais c'est super à la fois. C'est quand une librairie ferme et qu'ils ont un stock de mangas, de comics ou de BD, c'est le moment de foncer tout acheter, quoi. J'ai jamais croisé ce genre d'événement. Parce que je l'avais fait partager sur le groupe, justement, c'était vers septembre ou octobre, je crois. À Toulouse, une librairie qui avait fermé. Ah oui, c'est vrai, j'en suis. Et du coup, j'avais fait le gros bourrin. J'avais pris, je crois, les Vinland Saga, j'avais pris les premiers Sin Neverland, j'avais pris les chroniques et la légende d'Arslan, j'avais pris Beastar. J'ai fait bourrin, quoi. Ouais. Bah, t'as bien raison. Mais bon. Bah, il faut des fois, il faut se faire plaisir. Enfin, ça peut aider le libraire à se reconstruire derrière. Ouais. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est vrai qu'après, je me laisse y aller vraiment au feeling, ou sinon aussi un peu comme Nico au cover. Et voilà, après, c'est vrai que je tente pas mal de choses, et de temps en temps c'est bien, de temps en temps c'est de la merde. Et d'ailleurs, est-ce que comme ça, au hasard, en prenant quelque chose, vous êtes déjà tombé sur des déceptions ? Je suis en train de réfléchir, je pense pas pour moi, parce que souvent, on va dire que quand je commence une collection, soit j'accroche direct et j'achète quasiment tout d'un coup, soit si j'aime vraiment pas, je m'arrête. Si oui, Platinum End, que j'ai pas du tout accroché, par je crois que c'est l'auteur qui avait fait Death Note. Death Note, ouais. J'avais commencé quand ça sortait, je crois qu'il y avait, dans les mois que ça commençait à sortir, et j'avais pris les premiers tomes, et ouais, j'avais pas du tout accroché, et j'avais, je sais pas si la série est finie ou pas, mais j'avais abandonné, je crois, au bout du tome 4, et j'ai jamais voulu continuer, parce que là, je suis même en train de voir pour les ventes, donc à quel point... Et toi, Nico, ça t'est déjà arrivé ou pas du tout? Je suis en train de regarder ma collection. Un cas où ça m'est arrivé un peu, mais alors, en tout cas cette année, mais vu que 2021 est en train de me foutre plein la gueule côté nouveautés. Mais en 2020, c'est vrai que j'achetais beaucoup de. Au gros, par exemple, j'essayais de prendre souvent des séries en un coup ou en deux mois et de lire que ça et tout. J'étais assez chanceux là-dessus, mais c'est vrai qu'une des déceptions, alors que beaucoup en parlaient, c'était Chainsaw Man. Ou beaucoup en parlaient parce que c'était l'auteur aussi de Fire Punch qu'il faudrait que je me fasse un jour, mais apparemment qui était génial et tout. Et c'est vrai que de tout ce que j'ai, en tout cas, sans préjudice, c'est vrai que c'était la seule déception que j'ai eue. Après, un peu ben, comme toi, Jeff et tout, moi j'avais des mangas de ma jeunesse que j'ai repris, que j'ai voulu reprendre, comme par exemple Samurai Deeper Kyo, où j'ai été déçu parce que j'avais jamais connu la fin, et la fin est assez moyenne et tout, mais... Non, je crois qu'il n'y a que Chainsaw Man où c'est vraiment plutôt une déception. Le reste, c'est soit c'est des trucs que je connaissais déjà, soit King of Eden que j'avais bien aimé, mais dont la fin était particulière. Mais en général, non, j'ai pas eu trop de déception. Donc là-dessus, pour parler de ta déception, justement, on te l'avait conseillé ou parce que c'était dans la hype un peu, t'as voulu lire ou. Ben je sais que beaucoup. Après, ça venait quand j'ai commencé à les prendre, ça sortait tout juste. Mais c'est vrai que beaucoup en parlaient parce que c'était l'auteur de Fire Punch et tout. Et même encore aujourd'hui, j'en vois beaucoup qui en parlent énormément. En plus, il y a l'animé qui arrive en 2021, je crois. Mais donc, ouais, il y avait ce gros truc là. Et bon, vu que j'avais confiance, en plus. Alors, mon libraire me disait que c'était bien. Même Adri disait que, en plus, par rapport à Fire Punch et tout, que c'était cool. Donc, j'y suis allé parce que beaucoup en parlaient en bien. Et, du nouveau titre? Non, de Chainsaw Man, Fire Punch, tout le monde dit que c'est génial aussi, mais enfin voilà. Mais en fait, le problème, c'est que ça sortait en même temps que Jujutsu Kaisen, et je trouvais qu'il y avait pas mal de similarités sur certains aspects entre les deux. Et donc après, voilà, j'ai lu que les deux premiers tomes. Je me dis, peut-être Chainsaw Man, il faudrait que je continue un peu, parce qu'on m'a dit, avec le temps, c'est un peu mieux et tout. Mais je verrai, parce que j'ai tellement de choses à prendre que je lui donnerai peut-être une chance plus tard, je sais pas. Mais c'est vraiment la seule déception que j'ai, mais par chance, c'est que deux tomes, quoi. Alors, okay. Ça va. Moi, sur cet hasard-là, tu vois, je suis tombé sur trois séries. Bon, pas coup sur coup, je vous rassure, mais trois séries qui m'avaient déçu. Donc la première, c'était Fool's Paradise, qui était sortie en 2019-2018 chez Darkana, et ça m'a pas du tout emballé. Donc j'ai le premier tome qui végète chez moi et je sais pas quoi en foutre. Bon, ça c'était la deuxième série, c'est Blow Me to You, donc un shonen qui a un nombre de fans extraordinaire, mais que j'ai trouvé ça plus que moyen. C'était Osen qui avait vu l'anime, qui était curieuse de voir si le manga serait mieux. Donc déjà, elle est partie de cet avis-là, comme quoi le manga, comme quoi l'anime était moyen, et elle aurait voulu que ce soit mieux, et finalement c'était pas mieux. Et après la lecture des trois premiers tomes, je vous confirme, c'était pas mieux. Et après, le troisième manga, c'est My Home Hero, de Hasaki Masai. Pareil, très populaire au Japon. Je crois qu'il y a déjà 10 tomes de sortie en France, et en fait j'étais surpris, parce qu'en fait c'était conseillé par un auteur de romans que ma femme lit beaucoup, qui est Maxime Chatham, et je me suis dit bon, ben, c'est pas tous les jours qu'un auteur de romans conseille un manga, et je l'ai acheté, et en fait j'ai pas trouvé ça mauvais, mais moyen. J'avais quitté je venais juste lire des mangas extraordinaires, et je tombe sur un scénario banal, quoi, chiant. Ah, moi, justement, là, je les ai, moi, les 10 premiers tomes, je ne les ai pas encore lus, mais j'ai eu de bons retours dessus, donc je te dirai ce que j'en pense aussi. C'est vrai que j'avais souvent entendu parler en bien, moi aussi. Mais après, encore une fois, c'est pas que c'est mauvais. J'ai juste trouvé ça moyen après toutes les bonnes lectures que je lis. Tu sais, c'est comme quand tu lis un super manga ou un super comics, et juste après, tu lis quelque chose qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas bien. Tu vois, c'est... Ouais, du Marvel, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, c'est comme si tu lisais du X-Force, et puis après, tu tombes sur le X-Men Dickman. Ouais, non, mais oui, je vois. Donc voilà. Et au niveau des conseils, donc on a notre Adri national pour nous conseiller, mais bon, après notre Adri national, je m'en méfie quand même un peu, parce qu'il est quand même assez bon public, en tout cas ce qui concerne les films et les séries. Non, mais il faut le dire, Nico. Oui. Il est bon public, c'est pas une critique, hein, mais l'avantage, tu lui mets quelque chose de moyen, lui il va aimer. Bah, après tout, il aime bien Berserk, forcément, il a de mauvais goût, quoi. Non, mais ça, on lui a déjà dit, oui, c'est tout simplement parce qu'il attend un tome spécial en yaoi entre Griffith et Guts. Et Guts. Mais je cherche sur Internet, tu peux trouver facilement ça. Je vous laisse regarder vos conneries. Non, mais tu vois, si ça se trouve, j'aimerais bien lui imprimer, lui offrir pour son anniversaire. Ah, ça doit se trouver, oui. Ah, tu vas sur Rolls 34, tu tapes Guts et Griffiths, tu vas trouver. Eh bien, écoute, je pense que ça serait peut-être le coup pour son anniversaire. Tu en fais un cadre, comme ça. Un joli cadre. je sais que t'aimes Berserk, je t'ai pris un cadre avec un dessin dedans. Il sera ouf et il sera déçu. Je veux dire, c'est Berserk, ça peut pas être nul pour lui. Et du coup, il va tellement être déçu. Mais non, mais... Je lui ai dit, ouais, tu pourras avoir la grosse épée de Guts, comme ça. De faire plein de petits... Je me demande s'il écoute nos émissions quand il participe pas. Ah ben, on verra. On verra, quand on fera un message bien salé, je pense qu'il aura écouté. Ouais, ça peut être drôle. Ouais, j'ai trouvé peut-être les bonnes images pour... j'ai trouvé peut-être la bonne image pour Adri, quoi. Ça serait pas mal. Non, il est en train de regarder un live, le mec. Range ce palin. J'ai fait, c'est gênant. Donc voilà. Mais sinon, à part ce genre de conneries, on en était où? Oui, donc Adri était bon public. Donc moi, je me méfie quand même assez dinguerie. Mais voilà, vous avez des conseillers favoris, que ce soit sur Instagram, en vrai, sur Internet, à part Sens Critique pour Nico? Pour moi, j'ai mon entourage, j'ai quand même pas mal d'amis et de familles qui lisent des mangas, donc, ou qui mettent des animés, donc ils me conseillent des mangas, donc il y en a, je suis sur deux, donc quand ils me conseillent un manga, je fonce, ou sinon ils me le prêtent les premiers tomes et je vois si je continue la collection. Après, j'ai des amis, pareil, un peu comme Adri, ils sont un peu trop bon public, tu vois. Du coup, j'utilise la règle des deux, c'est-à-dire qu'en fait, si deux personnes de ce type-là me le conseillent, je commence à réfléchir à l'offre. S'il y en a quatre, il va peut-être prendre le premier tome. Voilà, c'est ça, tu vois. Tu sais, il y a des potes qui me disent « Ouais, ça, Matt, c'est trop bien. » En fait, tout ce qui Matt, il me dit ça, tu vois. Genre, il n'y a pas genre un truc « T'as vu ça, c'est moyen ? » ?»« Non, ça, c'est trop bien. » Du coup, tu vois, je me méfie, ou des mecs ont des goûts trop chelous, je me méfie. Et quand il y a deux personnes qui me le conseillent… Tu parles avec Jeff, t'es au courant, au moins ? Oui, mais ça, tout ce qu'il m'a conseillé, je ne l'ai pas lu, mais si quelqu'un d'autre me le conseille, je le lirai, ça fera la règle. Alors, de deux. C'est, moi, je sais que ce que je peux conseiller, il y a un copain en commun qui s'appelle Greg qui peut acheter, donc tu vois, mais bon, c'est vrai qu'il a des goûts un peu chelous lui aussi. C'est pour ça que quand Jeffrey et Greg me conseillent quelque chose, j'utilise la règle de 4, et du coup, là, ça marche mieux parce que il faut savoir s'adapter. C'est pas notre faute si on prend des trucs un peu trop underground. C'est vrai. Mais après, ça peut permettre de faire de belles découvertes des fois. C'est vrai. Je dis pas le contraire. Voilà. Faut juste essayer, quoi. Mais je préfère que ce soit vous qui essayez et que vous me les prêtiez que moi je les prenne et je sois déçu. Vaut mieux toujours être déçu quand c'est pas toi qui paye. Enfin, c'est logique. Oui. Et sinon, après, non, je pas trop sur internet qu'avec l'entourage. Mais du coup, toi, Nico, à part Sens Critique, tu... Non, moi, après, c'est beaucoup sur Twitter, ou sinon, je sais, avec le temps, je vois un peu ce qui ressort beaucoup. Mais c'est en discutant aussi avec certaines, par exemple, sur Twitter ou sur regardant les chaînes YouTube, comme par exemple celle d'Otaculte, où je vois aussi pas mal de trucs qui peuvent être assez sympas. Puis, par exemple, avec d'autres, comme par exemple Vagabond, où j'ai pas mal parlé, et par exemple, j'en vois beaucoup aussi parler de certains trucs... comme par exemple Ashita no Joe, des choses comme ça, mais c'est beaucoup en discutant avec les gens que j'appelle un peu intelligents sur Twitter, c'est-à-dire pas genre les FC One Piece et tout, je fais ouais, lis One Piece, lis que ça, c'est le meilleur, ça va tout, ou lis que Nikimetsu, lis SNK, c'est le meilleur manga au monde. On a ce type de personne autour du micro, il n'est pas là aujourd'hui, mais on a ce type de personne. Ouais, Madrid, c'est quand même être problématique, je pense. Merde, comment t'as deviné que c'était lui ? D'ailleurs, parce que c'est le seul qui parle tout le temps H24 de son manga, c'est... Ah, ça. Lui, je suis sûr, attends, faudra qu'on demande à sa copine s'il lui en a parlé ou pas, un soir au lit, ou j'en sais rien. S'il a dit un petit « Oh, Casca, vas-y, viens par là », ou j'en sais rien. Non, mieux, un petit Griffith. C'est Griffith, voilà. Ouais, alors Griffith avec des seins, ça fait bizarre quand même. Bon, ça va se trouver aussi sur Rule 34, hein. Mais bon, ouais, non, c'est vrai que non, mon plus gros influenceur, j'ai envie de dire, bon, mis à part quand je vois tout le monde parler pas mal d'une œuvre et tout ça, ça reste mon libraire qui m'en conseille aussi beaucoup, ou qui au moins, à la place de me conseiller, me déconseille certains trucs des fois que je veux prendre. Oui. Genre, par exemple, le dernier truc que je voulais prendre, c'était Slice of Horror. Et il m'a dit ouais non ça vaut pas le coup, c'est pas génial, c'est presque juste du fanservice et tout. Il m'a dit c'est pas trop pour toi, quoi. Alors que après il m'a dit par exemple Tomino la maudite, il m'a dit que c'était vraiment sympa et tout, c'est vrai que je t'ai dit c'est assez spécial mais c'est assez cool. Donc voilà, vu que c'est lui qui m'encaisse à la fin, il essaie quand même de me faire acheter les bonnes choses, on va dire. Ouais, après il faut être honnête avec Aurélien, à chaque fois qu'il te donne quelque chose, à chaque fois il te dit généralement si tu l'aimes pas tu le ramènes. Oui, il y a aussi cet avantage. On a un des meilleurs libraires au monde où il te fait pas mal d'offres ou de trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a cet avantage, mais souvent, ouais, c'est vrai que quand il te conseille, il te dit si t'aimes pas, tu me le ramènes et tout, t'en prends un autre, tu prends autre chose, mais j'ai jamais été déçu par lui de toute façon. Mais après, sinon, un peu comme Baptiste fait parfois, moi je suis aussi par auteur. Quoi. Je sais que s'il y a un auteur ou que j'ai adoré des fois une œuvre, je sais que je peux me lancer sur une autre qui est de lui sans trop me poser de questions. Quoi. Et ça, c'est quelque chose que je fais quasiment jamais. Bah après, moi, les deux à qui je fais ça actuellement, c'est Urasawa et ça va être Tezuka. Miura, déjà, il sort ce qui continue Berserk, après on verra pour d'autres trucs, mais... Alors, Miura, alors, ça m'arrive, tu vois, Miura, j'ai son one-shot qui s'appelle Gigantomachia. Ah, j'ai pas aimé. Pas si mal que ça. Après, c'était un one-shot, tu vois, au moins, tu prends pas de risque et tu es sûr d'avoir un début et une fin. Donc voilà. J'ai les mangas de Katsai et City Hunter, donc du même mangaka. J'ai plus le nom en tête dans la seconde. Ça va me venir. Tsukasa Ojo. Donc voilà, mais voilà, je n'ai pas 10 000 au même auteur, et c'est vrai que je pense jamais à chercher la chose, en fait. Moi, c'est rare, mais ça m'arrive. Je pense, par exemple, à... Merde, comment elle s'appelle ? Oh putain, j'ai perdu le nom, ça ne va pas le faire. Ah si, à Itaparu qui fait les Beastars, et vu qu'ils doivent sortir, par exemple, là... un nouveau truc dans le même univers qui est le spin-off à Beastars qu'elle avait fait et tout, je vais me lancer dessus, mais c'est parce que c'est le même univers. Mais c'est vrai que par exemple les autres œuvres qu'elle va sortir, je m'y intéressais un peu parce que j'ai bien aimé ce qu'elle a fait, mais c'est vrai que c'est un truc que je ferais beaucoup, et surtout sur des artistes. Alors, le problème de Tezuka, il risque pas de sortir de nouveaux trucs lui, mais c'est vrai que des artistes là où je découvre un manga qui font, que j'aime beaucoup, s'ils sortent d'autres œuvres à la suite après, je risque d'être un public fidèle. Parce que j'ai kiffé le truc qu'il a fait là, je vais continuer. Et, tu vois, Inyo Asano, je sais qu'il est connu pour pas mal de choses. Si je kiffe Pun Pun, je risque d'en chercher encore. C'est des trucs, ça peut m'arriver un peu. Mais c'est pas. C'est un peu comme toi, ça peut être tout le temps, quoi. Ah bah, oui, non, moi, c'est du pur hasard. Si tu veux, dernièrement, je me suis acheté Born to be on Air. Donc, c'est l'histoire d'une nana qui raconte ses déboires amoureuses à un producteur de radio. Le seul problème, c'est que le producteur de radio enregistrait à son insu, et puis elle pète un câble, la radio, elle gueule un bon coup et compagnie. Et si tu veux, quand j'ai commencé à lire le bordel, je me disais, son trait me parle, parce que le mec, il a vraiment un trait bien, bien particulier. Et puis en fait, je tombe là-dessus au hasard, le manga L'Habitant de l'Infini. C'était lui qui faisait L'Habitant de l'Infini. Ok. Oui, après, moi j'en vais. Tu l'as pas choisi parce que c'était le travail était là, mais c'est juste que tu l'as reconnu par rapport à ça. Ouais. Ouais. Après, moi j'aime bien, tu vois, par exemple, des dessinateurs, enfin des mangaka que j'adore par rapport à leur trait, quoi, à leur style graphique, quoi. Comme par exemple Murata qui a fait Shield 21, j'ai quasiment acheté les One Punch Man parce que c'était lui qui dessinait, quoi. Ouais. Ouais. Et après, sinon, moi j'aime bien. Attendre aussi que l'effet de hype passe pour un manga, savoir s'il vaut vraiment le coup. Tu vois, genre, quand j'entends parler tout le temps d'un manga, j'attends souvent 6 mois, 1 an avant de m'y pencher vraiment pour savoir si ça, il faut faire attention. Il faut faire très attention vis-à-vis de quel éditeur tu fais ça. Si tu fais ça vis-à-vis de Panini, t'es mort. Non, mais évidemment. C'est des mangas, Jeff, ça va. Sauf les éditions Prestige où je viens te suivre, mais sinon ça va, quoi. Ouais, en fait, tu te souviens de Demon Slayer ? Ben. Tu te souviens pas qu'ils avaient commencé la première publication en appelant ça Les Profondeurs de l'Ombre, et puis ils avaient vu que ça avait pas marché et qu'ils avaient arrêté. Ben oui, ils l'ont arrêté, mais bon, ça, oui, c'est logique. Mais et même au Japon, ça marchait moyennement jusqu'au moment où il y a eu l'anime. Hein. Oui, non, mais après, ce qui est drôle, c'est qu'ils se sont relancés avec une toute nouvelle édition, mais qu'ils se sont dit, bon, allez, on va en sortir un peu, mais ils n'ont pas calculé la hype ils ont mal calculé, ça, oui. Oui, ben voilà, donc, bon, tu vois... Les premiers, mais bon, maintenant, les premiers, tu dois pouvoir les retrouver, c'est des trucs qui doivent être tout le temps réédités, je pense. Oui, mais non, c'est vrai. Mais c'est sûr que, moi, je pense, par exemple, aux éditions qui font, comme par exemple la Perfect, là, de 20th Century Boys, ce genre de format, peut-être que ça, ils doivent vraiment le limiter. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le Reddit souvent. Quoi. Là, par contre, là-dessus, c'est sûr, quand c'est des éditions prestige assez, assez particulières, je pense par exemple aussi sans doute à la Perfect là, de Full Metal Alchemist, il se peut que soit que ça, par contre, ouais, t'as du mal à le trouver après. C'est vrai. Oui. Mais ouais, moi, j'aime bien quand même, en dehors des problèmes d'éditeur, j'aime bien attendre un peu que l'effet de hype passe, savoir si le manga vaut vraiment le coup ou si parce que c'était dans la hype, tout le monde en parlait, quoi. Oui. Ça marche ou ça va. Tu vois, personnellement, je le fais pour tout, tu vois. Genre là, je viens de me commencer The Witcher 2, quoi. On en a parlé plus longtemps. Savoir ça valait le coup, quoi. La hype, ça fait longtemps qu'elle est passée sur The Witcher 2, quand même. Ben ouais, voilà, c'est pour ça, je me suis dit, c'est le moment, quoi. Je pense que là, vu que Cyberpunk, il est sorti, on va passer sur un autre jeu de CD Projekt et... Ah, mais c'est bien, d'ici là, tu pourras jouer à Cyberpunk, il sera plus buggé, parce que tu y joueras dans 20 ans, quoi. Non, mais, alors, si tu veux, j'ai un vrai conseil pour toi. Alors, c'est Doom. La hype est passée. Tu peux essayer le Doom 3D. Je pense qu'il y a pas trop de problèmes là-dessus. Attends, je vois. Parce que lequel Doom tu parles, le récent ou le Doom Eternal? Ah oui, d'accord. Tu faisais une blague par rapport au premier qui était sorti en 90, je crois, 93. Ah, mais je te parle du premier qui est sorti en 93 en fait. Ouais, voilà. Ouais. D'accord, ben ça va. Ouais. Tu peux y jouer. Hey, 93, j'étais pas né. Celui-là, il y a encore live aujourd'hui. Il marche toujours, celui-là. Oui, c'est un classique. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu prends les graphismes de ce Doom, ça me faisait penser au Star Wars Dark Force. Je crois que c'est le même moteur graphique qui était sorti à l'époque. Et tu prends le Dark Force qui était sorti en 95, c'est à peu près les mêmes effets que Doom. Et c'était génial. Bon, il pique un peu le Dark Force, je suis d'accord. Mais... Ouais, il y a plus de temps qu'il doit jouer à ça, Jeff. Bon, ça va, non, mais c'était à l'époque où Lucasfilm pouvait sortir plus d'un jeu par an et que ça fonctionnait bien mieux que les derniers jeux de chez EA. Toi, t'as vu un meme il n'y a pas longtemps, toi, sur ça? Non. Mais non, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, tu peux jouer à Dark Force, tu peux jouer à Doom 3D, la hype est redescendue, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, après, c'est quand même, après The Witcher 2, The Witcher 3 à faire quand même. Je suis dans la hype, je vais continuer là-dessus quand même, c'est dommage de s'arrêter là. Donc du coup, la dernière partie de cette émission, qui est laborieuse, mais quoique on n'a pas trop débordé, c'est pas mal. On s'est beaucoup moqué, mais on n'a pas trop débordé. Comment vous rangez vos bibliothèques et quel type de bibliothèque vous choisissez? Qui commence? Ben vas-y Baptiste, c'est ton sujet, ouais, c'est toi qui commence. Ouais, très bien. Moi personnellement, je suis un mec très classique. Je suis parti sur du Billy de chez Ikea, qui aussi. Voilà, une étagère très très facile à monter, avec différentes tailles et tout, assez réglable. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut la moduler par rapport au format de manga qu'on prend. On peut combiner avec si jamais on peut faire du un peu côté manga, un côté comics, un côté BD selon ce qu'on a, ou si on a des Perfect Edition qui sont un peu plus grands, comme ou les Attaques en Titan Colossal qui sont en plus grand format, on peut moduler l'étagère par rapport à nos envies. Et ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup cette étagère, c'est qu'on peut mettre double rangée de manga. Donc niveau place, on peut en mettre dans une bille, quoi. On peut charger. Et après, en rangement, quand je fais mes vidéos, le fond il change beaucoup parce que je mets les mangas en fond par rapport au manga que je présente. Mais de base, ça aurait dû être rangé par catégorie, donc Seinen et Shono, et Shono, n'importe quoi. Seinen, ah, ouais, non, pas Shono, t'es comme Jeff, quoi. Mais non, putain, Seinen, voilà, et Shonen. Et ensuite, donc, en haut, c'est les. C'est les seinen pour pas que les enfants puissent les attraper. Voilà. Et en dessous, on passe du coup sur du shonen. Et après, ils les trient par ordre alphabétique. Voilà. Et vous? Et toi? Ah bah, vas-y, Nico. Alors, moi, j'ai une bibliothèque chaotique mauvaise. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ordre. Ah si, il y en a une qui a une certaine logique. J'ai mon... mon étage Urasawa sur lequel j'ai Billy Bat Monster et les collections que j'ai un peu de Happy, Yawara, Zadora, Pluto et 20th Century Boys. Mais après, sinon, j'ai un ordre de rangement. Alors, j'ai une Billy comme Baptiste. Et c'est vrai que il y a la bonne technique de la double rangée de manga. Ce qui fait que du coup, pour ranger mes mangas, je fais par série, je mets la moitié de la série derrière et la moitié devant pour à chaque fois ne pas me perdre, savoir sur quel manga et sur quelle étagère et tout. Mais donc, j'ai une étagère entière remplie de tous les mangas que j'ai de terminer. Et après, les autres, c'est quasiment des mangas qui sont en cours, qui ne sont pas tout à fait terminés. J'ai une aussi étagère où là, c'est bon, les mangas de ma copine. Tout au-dessus de la bibliothèque, j'ai tout ce qui est coffret, par exemple le coffret Akira, les coffrets The Breaker, Kingdom. Mais donc, c'est assez chaotique. Je range les trucs n'importe comment. Moi. Après, ça, t'as quand même organisé, t'as un côté manga fini et un manga pas fini, quoi. C'est ça. Ouais, moi aussi j'ai pareil, du coup j'ai pas dit, mais oui, j'ai un côté où j'ai tous mes formats spéciaux, un format avec tous mes mangas en cours que j'achète régulièrement et un côté manga fini. Mais par contre, ouais, moi j'ai pas d'après sélection, seinen, shonen, j'ai pas trop de sélection, ni par éditeur, ni par nom. Oh merde, c'est au feeling quoi. C'est où il y a de la place quoi en fait, en train de dire. Oh, mais j'ai de la place partout en fait donc. Et puis après, j'ai l'avantage d'avoir qu'une bibliothèque pour le moment, donc ça va, il y a tout qui rentre. Quand je commencerai à en avoir 2-3, c'est sûr qu'il va falloir un peu mieux organiser. Ah oui, parce que moi j'en ai les Billy, les grands formats, ils font 80 sur 2m10. Moi je les connais par cœur à force de les acheter. Je crois que j'en ai 3 et j'en ai une de 40 par 2m10. Quoi. Donc au bout d'un moment, tu es obligé d'être organisé parce que sinon c'est le bordel. Quoi. Ah ouais, non, mais moi j'étais organisé avant pour les comics, mais là, manga, vu que j'en ai pas encore énormément. Une, ça me suffit. Il va falloir commencer à investir sur une deuxième et tout, mais pour le moment, ça va. Et toi, Geoffrey, je vais voir, c'est le bordel chez toi ? Pardon ? Non. Enfin, sur les étagères, c'est bien rangé, mais c'est la pile sur la table qui n'est pas bien rangée. Chez moi, je suis bordélique dans ma vie. Je suis un très, très grand bordélique, mais j'ai un problème psychologique sur les bibliothèques. Elles sont rangées et parfaitement rangé. Et si j'ai eu un ami qui est passé chez moi un jour et qui s'est amusé à me changer l'ordre de certains bouquins, en plus c'était l'ordre chronologique de Star Wars, et quand j'ai vu ça, j'ai passé 2 heures à tout sortir pour tout re-ranger dans l'ordre chronologique parce que c'est maladif. Du coup, t'as fini de creuser sa tombe ou pas encore? Non, non, non, il devrait passer à la maison fin début mars, si tout va bien. Donc voilà. Et donc, du coup, je fais comme vous, j'ai des Billy. Par contre, je ne double pas mes étagères. J'ai rajouté des étagères. Parce que vu que le Billy est hyper modulable, comme vous le dites, j'ai rajouté par Billy 3 étagères au minimum en achetant des planches à Bricomarché et en me les faisant tailler à Bricomarché. Donc, oui. Donc voilà. Après, l'avantage de faire ça, c'est qu'on ne va pas chez Ikea. Ça coûte 3 fois moins cher que chez Ikea pour récupérer une planche de Billy. Et voilà. Alors, après, mes bibliothèques sont rangées par éditeur. Après l'éditeur, c'est la collection. Et après, par ordre alphabétique. Donc voilà. Comme ça, je suis sûr et certain que tous les mangas font à peu près sur une rangée, font la même taille, le même type de gabarit. Parce que ça, c'est important, parce qu'à l'époque, à une époque, je mettais tout par ordre alphabétique. Le seul problème de l'ordre alphabétique, c'est que de temps en temps, on avait les Kurokawa qui étaient plus hauts que les Glénat et compagnie. Ça me stressait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tout remis en ordre. Et après, je fais comme vous, je différencie ma pile de lecture. Et sur mon nouveau bureau, j'ai des étagères qui devaient être là pour m'aider à ranger des papiers. Et en fait, ça m'a permis de ranger ma pile de lecture que je classe par ordre d'achat. Donc voilà, ça me fait pas mal de mangas, en sachant que j'en achète tous les mois et que j'ai plus de place dans mes étagères et que mes prochains achats, c'est samedi matin. Donc, Donc voilà, je sais pas quoi, je saurais pas quoi où mettre ma prochaine pile de lecture. Petite question pour toi, Nico. Est-ce que tu fais des piles de lecture comme Geoffrey ? Parce que... Alors moi j'appelle plus ça une pile de lecture. J'appelle ça faire un mur de lecture parce que. Moi j'appelle ça une table. Moi j'appelle ça une table de lecture. Mais oui, moi j'ai une table de lecture aussi parce que côté manga surtout, j'ai une bonne cinquantaine de mangas peut-être. Donc du coup j'ai des piles. Par exemple j'ai une pile de mangas en tout genre. J'ai une pile où par exemple j'ai Astro Boy plus Nine que je dois lire d'un coup, une pile avec mes I Am a Hero, une pile avec mes Bonne Nuit Pun Pun, mais ouais, j'ai une table avec plein de trucs à lire. C'est pour ça que ma copine ne comprend pas pourquoi je continue à acheter alors que ben, si, il faut continuer à acheter. C'est une crainte en fait de plus avoir cette pile de lecture, mais j'ai ça. Avec, à la base, c'était organisé avec des séries longues que je devais continuer et d'autres qui étaient... plutôt des trucs en one shot, en fait, ça s'est entassé sur plein de trucs. Mais oui, j'ai ce genre de trucs au point même que mes piles pourraient presque tomber. Et donc, quand je fais des achats, je ne sais pas comment ranger les trucs. D'accord, okay. Parce que moi, je n'utilise pas la scène de pile de lecture, parce que dès que j'achète un truc, je le range automatiquement dans l'étagère. Et pour savoir que je dois le lire, je sais que j'ai fait des tests quand je fais ça, je mets le tome où j'en suis, ou le premier tome, j'ai une collection complète, à l'envers. C'est pas mal. Moi, j'avais une astuce comme ça pour les comics. C'était de, vu que les comics après c'est long, donc on a, j'avais pas le système, t'as pas le système comme les mangas là, de double rangée. Mais je les mettais tous vers le fond et ceux que j'avais pas lus, en fait, je les avançais au bord de l'étagère comme ça. Je savais ce qu'il restait à lire. Donc ça, j'avais ça, exactement la méthode comme ça. Ouais. Ça, c'est hyper risqué parce que t'imagines un mec qui passe chez toi qui est un peu stressé, genre qui pousse tout. Ouh, tu sais plus tourner. Ah, mais je le tape. Je suis pas comme Jeff qui réinvite ses potes, qui mélange toutes les collections. Là, moi, une personne, moi, il y a une fille, elle est venue chez moi, m'a renversé une figurine, elle est plus jamais revenue chez moi. Hein, donc, D'ailleurs, on l'a retrouvée ou pas? Parce que j'ai vu qu'elle était passée aux infos, mais. Ah, je sais pas. Je crois que quand la gare, on a débordé, on l'a retrouvée. Mais ouais, non, sinon j'ai ce système de piles. Encore pour les comics, je pourrais pas. Alors, le problème des comics, en fait, j'ai une pile de comics. C'est une pile de lecture, mais c'est aussi une pile de rangement parce que j'ai plus trop de place pour mes comics. Mais côté manga, non, c'est vraiment une pile de lecture, mais je pourrais les ranger presque parce qu'au final, c'est vrai que j'en fais un peu ma tête dans les lectures. Des fois, je lis un truc, puis après, je décide de lire un autre truc alors qu'à la base, j'avais prévu de lire une autre série ou ce genre de choses. Je pourrais tout ranger, c'est vrai, mais pour le moment, je ne l'ai pas fait. Alors, tu sais pourquoi, Baptiste, je ne range pas ? Parce c'est que j'achète tellement par mois que si, à force de tout ranger, je verrai que je n'ai plus de place dans les bibliothèques. Et donc, ça me limiterait au niveau des achats. Alors que là, en faisant une pile et en les rangeant, on va dire, par tranche de 10 ou 20 mangas lus, ça me permet aussi de me dire, oh, ça va, j'ai encore de la place dans la bibliothèque, donc je n'ai pas encore acheté. Ouais, ça se défend. Ça se défend. En sachant que j'ai quasiment plus de place chez moi pour mettre des bibliothèques. Oui. Du coup, c'est le jour où tu vas tout ranger, tu vas être dans la merde, en fait. C'est ça, le truc. Le jour où tu vas ranger ta table de pile de lecture, comment tu vas faire? Tu vas pousser les murs, tu vas... Ne parle pas de malheur, ce jour-là ne va jamais arriver. Non, non, tu veux connaître le vrai dilemme de Jeff. Jeff, le jour où tu déménages ta pile de lecture, comment tu la ranges dans les cartons? Alors, attends, ça, je l'ai déjà fait. Ça, honnêtement, quand j'avais déménagé de Fenouillet jusqu'à chez moi, j'avais... Alors, pour les déménagements, quand vous avez beaucoup de bouquins, le mieux, c'est les sacs cabas. C'est pas de les mettre en carton, c'est vraiment les sacs cabas, c'est facile à transporter et compagnie. Et j'avais mis dans un sac cabas ma pile de lecture. Comme ça, pas de problème. Et j'avais mis un post-it dessus, pile de lecture. Ouais, j'imaginais bien les gens qui devaient porter le sac. Qu'est-ce que c'est, pile de lecture? Tu peux demander à Adrien, c'est lui qui a fait le déménagement des bouquins. Hein? Il a pas enlevé le post-it. Non, il n'a pas retiré le post-it, mais si tu veux, il s'en souvient encore parce qu'on avait. Alors, je crois que son père, c'était un express qu'il avait, ou un Kangoo. C'était un Kangoo. Et le Kangoo était rempli de A à Z de bouquins. Ça ne m'étonne pas. Effectivement. Et ça date d'il y a 2 ans. J'ai acheté depuis. Oui. Peut-être que tu as vendu beaucoup aussi, on ne sait jamais. Je ne vends pas, je suis un collectionneur. C'est vrai. C'est vrai. Comme une fois, tu m'as dit, franchement, Baptiste, prends ce comics en noir et blanc, il est trop bien. Et en plus, dans 2 ans, il va coter, mais de fou. Et du coup, je lui fais, t'as déjà vendu des mangas, des comics cotés? Bah non, ils sont en noir et blanc, je les garde. Ok, merci, Jeffrey. Non, mais c'est Jeff, quoi. Oui, mais tu vois, le jour où je suis réellement dans la merde, je peux les vendre. Tu sais que tout à l'heure, j'étais dans une librairie, j'ai vu un comics de Batman en noir et blanc. Je lui dis, j'ai déjà, je le prends en noir et blanc ou pas pour plus tard? Mais des fois, ça arrive, ce genre de conneries. Mais c'est comme pour les mangas. Hein. Tant qu'à tous les FMA où tu hésites presque à prendre les FMA aussi sur la version perfecte. Moi, ça m'arrive, tu vois, par exemple, les Éternels. Ils vont ressortir là, les comics des Éternels, mais moi, j'ai des sous d'autres formats et tout. Et je me dis, est-ce que je reprendrai pas le récit? Donc, ce genre de conneries, ça existe. Oui, non, mais voilà. Après, c'est juste que tu... Enfin, moi, perso, je suis de reprendre l'FMA parce que l'édition est juste magnifique, déjà. Et parce que c'est mon manga préféré. Et aussi parce que j'ai des tomes que j'ai tellement lus et poncés que... Enfin, je suis obligé de... tu sais le rabat... Sur... Non. Non, ça, c'est Berserk Adrien, hein, tu confonds. tu sais, le rabat que t'as sur les mangas... Ouais. Écoute, eh ben, ils servent à tenir les pages qui sont en train de tomber. Ah, effectivement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de me la racheter, parce que la collection est belle et que mes tomes sont un peu en état de mort cérébrale, je pense. Physique. Non, mais pareil, tu vois, moi, là, je ne veux plus acheter de comics en français, mais pourtant, t'as Panini qui va ressortir Age of Apocalypse. L'édition est belle, j'hésite de l'acheter maintenant parce que je sais très bien que dans 15 jours ça vaudra 300€ sur eBay, donc voilà, et que 3 semaines plus tard, ben c'est trop tard, quoi. Oui. C'est tout ce que ça va coûter. Ah, c'est sûr, mais bon. 70 boules données à Panini, ça me fait mal au cœur. Ouais, j'allais dire, est-ce que t'as envie de filer des sous à Panini actuellement? Non. Moi, j'en donne. Oui, mais toi, t'en donnes, c'est gentil, on le sait. Moi j'en donne, mais pas beaucoup. C'est pas avec moi qui font leur beurre, quoi. À part j'ai acheté les The Boy quand même. Ouais. The Boy, Demon Slayer, et ils font les adaptations des comics League of Legends. Mais sinon, je crois que c'est tout ce que j'ai de Panini. J'achète plus rien à part les Demon Slayer et les City Hunter, les 4 Seis. Bon, ça fait 3. On est tous à 3, c'est propre. Enfin, je sais pas combien de têtes. Nico, moi, c'est par mois, je prends quoi, 30 ou 50 euros en comics, et c'est souvent, c'est vrai, du Panini. Après, sinon, côté manga, on Demon Slayer, un jour qu'il faudra que je rattrape, mais je crois qu'un des seuls que j'ai, sinon, c'est la nouvelle édition des 20th Century Boys. Donc, en dehors des comics, ouais, côté manga, j'ai quasiment rien, j'ai que 20th Century Boys et Demon Slayer en manga. Ouais, ça va. Bon, ben écoutez, je pense que on en a terminé pour cette vidéo. Ouais, carrément. Je pense que parce que ce n'est pas une vidéo, mais on ne t'invite pas. À part si tu depuis tout à l'heure, tu te filmes pour. Mais non, ça s'appelle un truc de cam, Jeff, si t'es tout nu. J'espère qu'il filmait pas son écran quand il était sur Rules 34 de Berserk tout à l'heure. Ouais, c'est clair. <ouais. rire> Tu t'es fait ban Twitch, Jeff. Si t'as pris Griffith qui se fait prendre par Guts, ça marche pas, c'est pas bon. Bon, bah écoutez, on va arrêter là, hein. On va couper cette émission, vaut mieux, hein, donc voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée, puis on revient dès la semaine prochaine pour un nouveau débat comics. Ciao tout le monde. Ciao, bonne soirée, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada.